boîte de nuit. Elle veut juste éviter les ennuis. Les chaînes de garde ne font que du bruit. Quand t'es en chien direct, elle fuit. Ton poteau s'est fait tirer dessus. Tu veux retourner les plomber. Quand t'as la tête dans ton plan cul, elle pense déjà à ton plan B. En gros, t'es juste un chien de la gosse. Elle est naïve, elle se voit la face. Tu l'as prise pour la mettre de déco. Pour que personne te prenne ta place. À mon travers, c'est toi qui te casse. La hagra la plus efficace. À chaque fois qu'elle regarde ton bigo, elle se remange le coup de grâce. T'es dans ton délire, t'es dans ta matrice, t'es dans ton deux mondes. Non, non, non, non, non. T'es dans ton délire, t'es dans ta matrice. C'est tout ce que t'es pas timide. Nous mens pas, ne fais pas timnique. Des maîtresses t'en as 5 ou 6. On sait tout ce que t'as pas de limite. À chaque fois tu l'entends râler. Tu la bombardes de sa vallée. Tu lui sors tout un tas de mythos pour l'empêcher de cavaler. T'as pas de cœur, non, t'as pas de pitié. Faire du mal, ça te fait palpiter. Tu rentres pas, elle est paniquée. Tu rentres pas tant que t'as paniqué. Tu cherches même plus à te rattraper. Et tu t'en fous. Chez moi on dit